personne humaine. C'est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole France de l'eau. Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des filles. Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Le cours de Jean-Marie Durand tente de faire le point sur des gens, une population ou un groupe de personnes dont on trouve des traces dans tout le Proche-Orient et qu'on appelle les rabirous. Certains traduisent le terme par voleurs, brigands, bandits, d'autres affirment que ce sont les tout premiers Hébreux. Il faut donc, pour ressaisir cette question étymologique, faire de la philologie. Jean-Marie Durand est le grand spécialiste de Marie, et c'est donc de ce point de vue qu'il reprend le travail sur le mot rabirou. Je rappelle que la ville de Marie est située non loin de Babylone, que ce site d'une considérable importance a été découvert par André Parot à la fin des années 20, et qu'on y a trouvé environ 15 000 tablettes qui ont enrichi et renouvelé la connaissance de la Mésopotamie du début du deuxième millénaire. Ce site, où s'est développé un art extrêmement raffiné, se trouve aujourd'hui dans l'est de la Syrie et était à l'époque un lieu de passage et donc de contrôle d'une immense importance. Or, à Marie, le terme de rabirou fait partie d'un corpus lexical, ce mot étant paléo-babylonien rattaché à un verbe qui signifie « partir loin de chez soi », mais aussi à un autre mot qui signifie « lui », faire des guerres pires. Le problème, nous a expliqué hier Jean-Marie Durand, c'est qu'on ne sait pas comment est prononcée dans cette langue la deuxième consonne, est-ce un D ou un P? Jean-Marie Durand prolonge aujourd'hui sa palpitante enquête sur la traduction qui va nous permettre d'éclaircir cette nomination, rabirou. Une des immenses richesses du corpus babylonien, c'est ce qu'on appelle le corpus hépatoscopique. Hépatoscopique, ça désigne le foie. Vous savez que c'est un corpus de textes à partir duquel on prédit l'avenir. C'est-à-dire que le devin prend un foie d'animal, en général d'agneau, et l'examine, et d'après la configuration de ce foie, il vous dit ce qui va se passer. Alors, voici comment, pour votre édification, comment ça se présente. Ceci est un foie d'animal réel moderne, et vous voyez que on a reporté dessus toute une série de lettres qui indiquent la façon dont le devin babylonien les traite. C'est-à-dire qu'il prend le foie, il l'oriente d'une certaine façon, il distingue des zones là-dedans, et ces zones reçoivent des noms particuliers, symbolisent des régions du monde ou des activités dans le monde. Et en fonction de ces zones, on va regarder quels sont les signes ominous qui apparaissent, et tout va être interprété en fonction en général de la droite et de la gauche. La droite représentant moi, et la gauche représentant l'autre. Alors, voici à peu près comment ça se présente. Et quand vous, un foie babylonien, eh bien, se présente comme cela, on aurait pu l'orienter de la même façon, mais on l'a orienté selon l'écriture. Vous voyez, le foie a été repris sous forme de ce qu'on appelle une maquette. Dans la maquette, vous voyez néanmoins qu'il y a des zones qui sont dessinées, hein, et qui représentent les grand A, grand B, grand C, grand D que je vous ai montré tout à l'heure. Et dedans, vous avez écrit une observation dans laquelle on vous dit si à tel endroit vous avez telle chose, ça veut dire telle chose. Ce sont des manuels, ce qu'on appelle les manuels du barou, le barou étant le voyant, au sens propre du terme, le voyant, celui qui voit quelque chose et qui voit en même temps le monde des dieux. Et c'est comme ça que se présentent les manuels pratiques à partir desquels il pouvait consulter un foie et prédire l'avenir. Bon. Alors, avec dessus, les articulations du foie, etc., c'est-à-dire tout ça étant réparti entre droite et gauche. Bon. C'est une discipline qui est extrêmement complexe. Là, ce que vous avez, c'est un foie complet. Bon, en général, c'est cassé. C'est un vocabulaire particulier, c'est très difficile à lire, ça fait partie d'une des spécialisations de notre domaine. C'est une des preuves les plus spectaculaires de l'attention à la divination dans l'Antiquité. Alors, toutes ces précautions, pour vous dire que, pour vous faire comprendre le texte que je vais vous montrer maintenant. Alors voilà comment se présente un présage selon le foie. Vous avez ce qu'on appelle une protase, c'est-à-dire de ce qui est mis avant, de protasis en grec. Si qui commence par si. Et puis ensuite vous avez une apodose. Et l'apodose c'est celle qui se retrouve, donc qui termine, et qui se retrouve ici. La protase fait tout ça, et ça fait... Ça, c'est l'apodose. Alors, la protase est quelque chose d'extraordinairement technique et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de les comprendre dans tout le détail. Il y a une grammaire sémiologique très particulière qu'il faut acquérir. Les apodoses, au contraire, sont des textes littéraires extrêmement importants et qu'on a intérêt à aller voir et qui sont très riches au point de vue des images, de la langue, des renseignements sur la vie courante, etc. Alors, vous voyez comment la protase se présente. Si le foie se trouve possédé, alors voilà les nomenclatures du foie. La porte du palais, la vésicule, ça vous le comprenez, le doigt, mais que le creuset de droite atteint le regard. Le regard est une autre partie du foie et que l'excroissance est dirigée vers une arme. Une arme, c'est un signe fortuit qui arrive, c'est une empreinte qui se trouve sur la surface du foie et est en direction du regard. Voilà l'observation. Bon, ça a son charme pour les techniciens. La conclusion, c'est ça. Dans le combat, l'ennemi, ou haparam, ou manam, excusez-moi, j'ai oublié une syllabe en tapant. Dans le combat, l'ennemi, et voici le verbe ici par rapport à l'armée, ou manam, une attaque puissante atteindra l'armée. Alors, voici apparaître, vous voyez, écrit à la forme 2, votre verbe HPR de tout à l'heure, vocalisé en A. C'est le même contexte qu'à Marie. Alors, si vous acceptez que ce soit une forme 2, une forme emphatique, une forme active plutôt, de la racine que nous étudions, ça veut dire qu'elle est en P et pas en B. Voilà l'enjeu. Ça voudrait dire, lors du combat, l'ennemi repoussera l'armée, une attaque puissante, s'emparera de l'armée, atteindra l'armée. Voilà. Alors, ces corpus particuliers sont extrêmement friands de verbes rares. Ils nous renouvellent beaucoup le vocabulaire très courant que l'on a dans les lettres administratives. Donc, c'est exactement l'endroit où trouver ce verbe. Parce que le verbe « habarum », qui est très courant à Marie, n'est pas attesté en Babylonie. Si vous voulez le trouver dans un corpus babylonien, il faudra trouver un corpus de ce genre pour le voir attesté. Alors, pour l'instant, je me borne à vous signaler la chose. Dans le corpus technique de l'hépatoscopie, en Babylonie, il semble être attesté le même verbe qu'à Marie, dans un contexte militaire, comme celui qu'on avait vu la semaine dernière pour le texte de Marie, et vocalisé avec un P. C'est-à-dire que si le rapprochement est vrai, il faudra prononcer rapirou et pas rabirou. Ça ne fera pas pleurer ceux qui font logarithmique. Cela étant fait, pour l'instant, ça fait partie des acquisitions que l'on fait petit à petit. Vous voyez en tout cas que ça fait aller beaucoup plus loin que dans les exemples stéréotypés de l'époque d'Alamarna. Je vais regarder avec vous maintenant un texte qui va nous illustrer l'histoire de quelqu'un qui est crédité de ce verbe rabarum raparum. Et je vais prendre pour cela le texte ARM 1450. C'est une lettre d'un gouverneur, le voilà le gouverneur, qui écrit au roi de Marie et qui lui raconte une histoire. Alors, on va lire l'histoire d'abord et je vais vous montrer une carte ensuite pour vous la faire comprendre. Un individu du nom de Ami Ibal de Nacher, c'est une ville au sud de Marie, étant arrivé d'Ilansoura, quelqu'un de la citadelle qui avait été en garnison à Ilansoura a été venu ici pour l'accompagner des déserteurs, l'a pris à partie disant « C'est un déserteur ». Et Ami Ibal lui a répondu ceci: « J'avais émigré depuis 4 ans au pays de Shubartu, Anamat Shubartim Arbour, lorsque le roi d'Andarik Atamroum est monté depuis Eshtouna par peur de la guerre, je m'étais réfugié à Ilansoura où j'ai logé chez mes frères. Je n'ai absolument rien été versé à troupes régulières et précédemment, jamais je n'ai été un fugitif. » Alors, ce que vous avez là, on va discuter sur ce texte, voir ce que l'on peut en tirer. Vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Lorsque Botero a fait son ouvrage sur les rabirous, il a pris des segments de textes extrêmement courts, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas ce texte. S'il avait connu, il aurait mis « J'avais émigré depuis 4 ans au pays de Shubartu, point final. » Là, vous avez tout le contexte. Vous avez tout le contexte et beaucoup des citations faites par Botero auraient été exploitables si on avait eu la lettre complète tout autour. La lettre complète, seulement, ça représente du travail. Il faut éditer le texte complet. Si vous allez à la pêche de Arbourg, Irbourg, etc., bon, ça, vous pouvez en faire assez facilement. Hein. Bon. Alors, voyons, essayons de voir ce qu'il en est. La ville de Michelin, la ville de Nacher se trouve là, à peu près au sud de Marie. Alors, vous voyez, Ami Ibal, on va prendre l'affaire à l'envers, par la fin du texte, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. À un moment donné, cet homme qui se trouve au sud de Marie a décidé de Arbour, le Harbaré, jusqu'au pays de Shubartu. Voilà. C'est-à-dire que il est parti de chez lui. Alors, je le fais passer par le Rabour, c'est une route plus sympathique que le désert, mais il est peut-être passé par le désert, je ne sais pas. C'est pas très hospitalier par là, hein. Il y a du sel et quelques sangliers, paraît-il. Mais bon. Alors, il est parti par là et il est allé dans le pays de Shubartu. Et il est allé au Shubartu et il y est resté pendant 4 ans. Pourquoi est-il parti? Il ne nous le dit pas, et je crois que ça n'intéressait pas le roi de Marie, ni le gouverneur, et je pense que nous ne le saurons jamais. Bon. S'il vient de la ville de Nacher, c'est certainement, en tout cas, un Ben Simalite. C'est un Ben Simalite. Pendant qu'il était en train de faire ses affaires dans le Shubartu, c'est-à-dire la partie est de la haute Jésirée. Alors, il a conduit, imaginez ce que vous voulez, il a conduit des moutons, il est allé faire des affaires de commerce, il est allé s'installer chez des cousins, il a fait ce que vous pouvez imaginer que les gens font quand ils partent quelque part. Mais ils sont restés pendant quatre ans. Et pendant qu'il était là-bas, la catastrophe s'est produite, les Élamites se sont emparés d'Eshnouna et ont attaqué. Alors, les Élamites, on va les faire partir de Suse. Ils prennent Eshnouna au passage et ils font tomber un des royaumes principaux de l'époque. Ils foncent sur Ashur et Kalatoum et ils envahissent absolument toute la région, mettant le pays à feu et à sang, pillant, détruisant les villes, etc. que va faire le Rabbi Roux? Puisqu'il s'est Arbour, c'est que c'est un Rabbi Roux, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se replier loin du front, il va quitter le front, et il va aller à Ilansoura. Ilansoura, c'est une capitale importante de la Haute-Jésirée, n'est-ce pas, dans laquelle il y a un des principaux vassaux de Zimri-Lim. Quand Zimri-Lim aimait bien un vassal, il lui donnait une de ses filles, et à Ilansoura, il a donné deux de ses filles. C'est-à-dire que le roi d'Ilansoura a épousé deux princesses de Marie. Vous pouvez imaginer l'histoire qui ne nous intéresse pas pour l'instant, mais les deux sœurs se sont tellement disputées que l'une a été réexpédiée avec ses bagages à Marie. Bon, ça fait partie d'un des dossiers majeurs que nous avons, parce que la malheureuse, n'ayant plus accès au secrétaire royal, a écrit elle-même ses lettres, et nous pouvons voir ce que c'est que des lettres écrites par quelqu'un qui sait lire et écrire, mais n'est pas un technicien de l'époque. C'est quelque chose de passionnant d'un point de vue philologique. Et je pense qu'elle a été effectivement très malheureuse, et vous n'avez pas à en rire. Bon, alors, naturellement, s'il y a un des vassaux principaux de Zimri-Lim à cette région, et deux de ses filles, vous comprenez qu'il y a aussi une garnison mariotte. Et le général qui commande la garnison mariotte est quelqu'un de très important à Ilansoura. Et quand il vous dit « Je m'étais réfugié à Ilansoura », c'est-à-dire qu'il a quitté le front où j'ai logé chez mes frères, il est allé retrouver des gens de sa famille qui, venant de Nacher ou étant d'un clan Ben Simalite qui était apparenté à lui, et bon, l'ont accueilli. Il est allé chez des pays. Bon. Et à ce moment-là, la situation s'est compliquée considérablement parce que les Élamites, avec des troupes échoutéennes sous leurs ordres, ont essayé réellement de s'emparer du pays tout entier. Et il y a eu une tentation très forte de la part du roi d'Ilansoura de laisser tomber le roi de Marie qui était très loin, pour ouvrir ses portes aux Élamites qui étaient tout près. Une réaction tout à fait humaine. Et la garnison mariotte est repartie. Est repartie et est revenue à Marie. Quand elle est revenue à Marie, c'est ce qu'on appelle le Pihroum, l'armée mobilisée, les conscrits. Eh bien, naturellement, il y a eu une enquête qui a été faite, et le responsable qui était là a réceptionner les soldats mariottes qui revenaient et a tout de suite dit, en voyant le réfugié qui était venu à Ilansoura, et toi, qu'est-ce que tu fais avec eux? Tu es certainement un soldat. Et le malheureux qui était parti pour faire des affaires au Choubartou, qui s'était réfugié à Ilansoura, replié à Marie avec les troupes, il ne pouvait pas rester à Ilansoura si la ville était évacuée, s'est vu à ce moment-là conscrit d'office et envoyé à la citadelle. Vous voyez, à ce moment-là, maintenant que vous avez le contexte complet, vous voyez ce qu'il dit. Je n'ai absolument en rien été versé à la troupe régulière, donc je ne faisais pas partie de la garnison d'Ilansoura, et je n'ai précédemment jamais je n'ai été un fugitif. C'est-à-dire qu'il a été menacé d'être considéré comme un soldat qui ne voulait pas rentrer dans le rang et qui en profitait pour reprendre sa liberté. À cette époque, n'est-ce pas, il y avait beaucoup moins d'engouement pour la chose militaire qu'aux époques modernes. Les gens essayaient le moins possible d'en faire. L'histoire est extrêmement importante parce que vous voyez le contexte de Rabaroum. C'est « j'ai quitté chez moi, mais je ne suis pas un fugitif ». Vous ne pouvez pas dire qu'en même temps, il a rompu les rangs ou qu'il a rompu les relations avec son ancienne patrie, puisque étant dans le Choubartou, il revient éventuellement à Ilansura chez les siens, et il se replie dans sa capitale après. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il est parti parce qu'il avait une affaire de police sur les épaules, ou parce qu'il avait une affaire de sang, ou parce qu'il n'avait pas payé ses impôts, qu'il avait des dettes, comme souvent on le donne pour expliquer que les rabirous deviennent des rabirous. L'histoire vous montre donc que le sens de rabaroum, c'est partir de chez soi parce qu'on a autre chose à faire. Voilà. Alors, il a dû certainement avoir des ennuis, sinon il serait resté. Il avait des motivations, malheureusement nous ne les connaissons pas, mais vous voyez que ce contexte est très très clair et permet de présenter une affaire dédramatisée. Il faut vous dire que par rapport aux analyses qui ont été faites par Botero ou d'autres après, l'analyse que je vous présente à l'heure actuelle suppose une mise en ordre considérable de tous les événements politiques, une mise en ordre de toute la géopolitique de l'époque, et que ce n'est qu'à partir de qu'il n'y a que très peu de temps que l'on peut faire des analyses de ce genre. Auparavant, Botero découpait ou aurait découpé uniquement j'ai quitté ma ville Erbourg par rapport à Nasher, parce qu'il n'aurait rien fait avec le reste. Ilansura était une ville qu'on ne situait pas, on ne savait pas qui était le roi d'Ilansura, on ne savait pas qu'il y avait eu une attaque des Élamites et dans quelle région, etc. Donc, c'est parce que le contexte géopolitique et les événements est désormais accessible que l'on peut reprendre toutes les histoires et les représenter. Ça représente donc réellement un gain tout à fait récent. Alors, la plupart du temps, et c'est tout à fait normal, les contextes qui nous apparaissent, on sent plus ou moins la difficulté que l'homme a eu à vivre quelque part et qui fait qu'il est parti. Voici un autre exemple. C'est celui qui est tiré d'une lettre de tome 26.2. Afdimadar, fils de Soumoumou, qui a herboré depuis Marie. Et on le retrouve, alors on ne sait pas très bien si c'est Amurabi de Babylone ou Amurabi de Kourda. Bon, qui se trouve dans le Sinjar ou qui se trouve à Babylone. Pour nous, le plus important, c'est que ce Asdimadar est le fils de Soumoumou. Soumoumou, on sait maintenant que c'est la façon de prononcer le nom qui et sinon écrit Soumouyama, mais qui était un roi de Marie. Ce roi de Marie a mal fini. Il a commencé par tuer son père Yardoulim. L'année suivante, il a été massacré par ses propres serviteurs à lui. Et Marie a été prise par les troupes des Kalatoum et avec Santiadou. Bon. Si un de ses fils quitte Marie, c'est manifestement qu'il y a eu des problèmes considérables. Il n'a pas pu rester à Marie, soit qu'il n'ait pas voulu du pouvoir des Alakalatéens, soit qu'il aurait échappé, parce que l'on sait que lorsque les gens des Kalatoum sont rentrés à Marie, ils ont mis à mort tous les membres de la famille royale Ben Simalit qui étaient restés. On n'a gardé que les filles, qui ont été transformées en musiciennes, qui sont entrées dans des harems. Les enfants mâles ont disparu, les gens d'un certain âge, on ne les voit plus, donc c'est qu'ils ont été tués, certainement. Alors, voilà un deuxième exemple. Quelqu'un, on ne sait pas s'il est allé du côté du Kourda ou du côté de Babylone, mais il ne faut pas être très grand clair pour savoir qu'il a eu des ennuis. Deuxième exemple, c'est un endroit où, autour de Kayseri, à QTP exactement, les marchands assyriens avaient construit un quartier commercial, une sorte de colonie commerçante. Et dans cet endroit, on a trouvé beaucoup de textes, seulement ces textes sont écrits dans une langue particulière, qui est le dialecte vieil assyrien. Et le dialecte vieil assyrien se caractérise par le fait que vous faites n'importe quoi avec les consonnes et avec les voyelles. C'est-à-dire que vous avez trois ou quatre façons d'écrire chacun des sons. Bon. Vous ne devriez pas en rire en tant que Français. Réfléchissez à la façon que vous avez d'écrire le son S, ce, hein, si, avec un S, deux S, un C, S, C, T, I. Vous aussi, vous pouvez, vous en avez beaucoup, vous en rendez pas compte, mais vous êtes riche de ce point de vue-là. Et alors, il y a quelqu'un dans ce texte, alors les noms sont accouchés dehors, donc je les ai supprimés. Il y a quelqu'un, un nom propre, qui, vers la ville de, à cause de ses dettes, et vous avez apparaître Irbiar. Irbiar. Alors, on pense que c'est la même, que c'est le même verbe que le verbe rabarum à Marie, mais vous voyez cette fine, ce i et ce a comme ça, c'est, cet extant, on attendrait Irbir ou Irbar. Qu'est-ce que c'est que ça? On vous dit, bon, c'est une horreur assyrienne. Bon. Alors, j'ai quand même, si vous trouvez ça dans tous les dictionnaires, dans toutes les grammaires, j'ai quand même écrit à mon collègue de Yale d'aller regarder sur la tablette si le texte est vrai, n'est-ce pas, et si on ne se trouve pas depuis 60 ans commenter un monstre. Ça arrive quelquefois que le copiste a copié un peu n'importe quoi parce qu'il pensait à autre chose. Mais sinon, ça serait intéressant parce que c'est le seul exemple que l'on ait de quelqu'un qui est devenu un rabirou pour une cause de dette. Mais qu'il soit parti de chez lui parce qu'il avait des dettes n'est pas une chose stupide à imaginer. Bon, voilà donc un petit peu comment se présente. Voici des exemples, si vous voulez, de rabirou ou des causes de rabirou. Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais regarder, surtout, c'est la dimension politique qu'ont ces rabirou. Et on va faire un pas encore en avant. C'est pour ça que j'ai interprété aujourd'hui l'approche comme étant une approche politique. On verra l'approche économique, si c'est possible, la fois prochaine. Le premier exemple, il faut que je vous présente maintenant dans quel contexte il faut l'étudier. Le contexte est celui d'une des fêtes majeures du royaume de Marie. Au royaume de Marie, la grande fête de la dynastie est appelée la fête de l'Eshtar d'Er. La déesse Eshtar, tout le monde la connaît ici. D'Er, vous savez, c'est une des villes qui se trouve au sud de Marie et qui est un endroit très important d'un point de vue religieux. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on constate que c'est un des endroits religieux. Les fêtes de D'Er se passent à un moment privilégié dans l'année. C'est le moment où le roi de Marie réunit autour de lui tous ses vassaux. Il compte les siens. C'est le moment où on lui rend hommage. Il fait ses comptes dans le palais. On lui apporte des présents très importants. Une partie du tribut lui est versée à ce moment-là et il fait des cadeaux. Et il doit y avoir un culte qui est rendu aux ancêtres de la dynastie. Y participer, ça veut dire que l'on participe, que l'on est très proche du roi de Marie, qu'on est coopté plus ou moins dans une espèce d'immense famille dont il est le chef et l'aîné. Si on n'y va pas, eh bien c'est quand on est en rupture de ban avec lui. Voilà à peu près quelle est la situation du document que je vais vous présenter. Alors, en règle générale, quand vous habitez à côté de Marie, c'est très facile de faire 50 km, 100 km et de venir adorer la déesse avec le roi. La seule chose douloureuse, c'est qu'il faut payer le tribut en même temps. Et alors on a des récriminations disant que le tribut est trop lourd, mais au point de vue déplacement, ce n'est pas très difficile. Imaginez le cas, en revanche, de quelqu'un qui est un vassal du roi de Marie et qui se trouve tout à fait dans le nord. Bon. Quand le roi part, il ne part pas tout seul. Le roi vassal du nord part pour aller à Marie. Il ne part pas tout seul. Il part en général avec une troupe. Les routes ne sont pas sûres. Et puis, il faut qu'on lui fasse honneur quand il arrivera là-bas. Si vous arrivez avec 100 serviteurs autour de vous, ben, c'est mieux que d'arriver tout seul ou avec votre laquais. Hein. Et quand le roi part avec son armée pour impressionner son suzerain, les gens qui sont dans la montagne se rendent compte que les villes sont dégarnies d'ennemis et descendent voir s'il n'y a pas quelques souvenirs à y collecter. N'est-ce pas ? Et on a à l'heure actuelle toute une correspondance extrêmement intéressante des vassaux qui disent « je ne peux pas venir ». Parce que je sens autour de moi, alors l'expression c'est « il court autour de moi », n'est-ce pas ? Il sent courir autour de lui toute une série de présences malveillantes, les montagnards malveillants. Et le roi de Marie répond en règle générale, selon le grand argument militaire, « mon fou ne veut pas le savoir, vous venez ». Et le gouverneur Mariotte qui est dans le nord, écrit au roi, ce sont vraiment des lettres, très sévère, si tu ne viens pas, ton père saura que tu n'es pas son fils. Alors, c'est ça qui est extrêmement important, c'est que on n'arrive pas très bien à voir pourquoi le roi veut avoir auprès de lui des gens qui, s'ils viennent, perdront toute puissance dans le nord, parce que leurs villes seront radiées et pillées. Des situations quelquefois au niveau du burlesque. On ne comprend pas très bien. C'est que nous sommes dépassés par des catégories d'importance qui ne sont plus les nôtres. Alors, la lettre que je vais vous présenter, qui est une lettre inédite, illustre un moment de ce genre. C'est la lettre 1940. Vous devriez maintenant la comprendre facilement. Il n'y a pas que les montagnards, il y a les copains avides aux alentours qui pourraient venir piller chez vous. C'est une affaire entre Ashnakum et Ashlaka. Sametar, le roi d'Ashnakum, ayant appris le voyage d'Ibaladou, le roi d'Ilansoura, chez Monseigneur. Voilà le passage, n'est-ce pas ? L'un est convoqué et l'autre partira, mais plus tard. A fait se mettre en route Ramikoun, vous le verrez par la suite de l'aide, c'est le chef des Rabirous, en lui disant « Get Ibaladou à Ramikatoum ». Ramikatoum est sur la route de la capitale de Ibaladou vers Marie. « Get Ibaladou à Ramikatoum, lorsqu'il t'aura rejoint, tue-le par surprise ». Ensuite, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a d'amusant dedans. Hein. Ensuite, si Zimrilim veut te faire des ennuis, moi, je dirais, c'est quelqu'un qui avait une affaire de sang à son égard, qui l'a tué. L'un et l'autre sont des serviteurs à toi. Fais ce que tu as à faire. Que pourra bien te faire Zimrilim ? Donc, vous voyez, le machiavélisme qui est là, on verra la suite du texte, juste après, mais il faut comprendre la situation. On va tendre un traquenard sur la route du vassal qui va aller à Marie. Le roi de Marie, naturellement, va protester. On lui dira, il y a le roi qui a monté le coup en douce, pas officiellement. Il n'affronte pas officiellement le roi, son vassal, avec lequel il a des pactes de fraternité solennellement jurés. Il ne peut pas faire ça officiellement. Bon, il le fait faire par quelqu'un d'autre. Hein, bon. Il lui dit, je te dédouanerai auprès du roi de Marie en disant que tu as exercé le droit du sang. C'est-à-dire que je jurerai que celui que tu as tué avait tué quelqu'un de ta famille et que tu l'as par la même vengé. On se trouve dans une affaire donc de vendetta. Il va prétendre qu'il y a une vendetta, laquelle pouvait naturellement être donc pas complètement un mensonge, comme ils étaient tout le temps à tuer quelqu'un d'autre dans les coins, il pouvait y avoir effectivement une affaire de nikmoum, de vengeance, entre les deux rois. Et il y a une embuscade qui lui est tendue. Et lorsque le roi essayera de venger son serviteur, on lui dira « mais l'autre est ton serviteur aussi ». Donc tu ne peux pas perdre le serviteur, tu en as déjà perdu un, tu ne vas pas en perdre deux. Hein? Alors, La lettre est envoyée, je ne vous l'ai pas dit, c'est une erreur de ma part, elle est envoyée par le représentant officiel de Marie dans le Nord, Itourasdou, qui est au courant de tout. Tout le monde lui apporte des renseignements et il transmet ça au roi. Alors, il a appris, il a un service de renseignement très important, d'espionnage très important, et il transmet au roi l'affaire qui est en train de se faire. Il est au courant. Khamikoun, alors le bandit, est en train de guetter Ramikatoum. 50 Rabiroum d'Ashlaka et Yal'a Koulim, qui font partie des gens en rupture de banc avec Ibaladou, guettent avec lui à Douhara. Voilà ce qui est le plus important. C'est que les gens qui tendent l'embuscade au roi d'Ashlaka sont des gens d'Ashlaka. Et ils sont des Sarat. La racine SRR est très importante, ça signifie le mensonge. Elle s'oppose à la notion de dire la vérité. Dire la vérité, c'est être un vrai serviteur. C'est-à-dire que vous respectez le serment que vous avez porté. Mentir, c'est contrevenir au serment que vous avez juré. Le français ne permet pas de rendre ce vocabulaire parce que nous avons des catégories autres et le décalque est possible, mais ça, dire de quelqu'un c'est un menteur, ça veut dire en réalité qu'il n'est pas en pacte de fidélité avec vous. Ils ont rompu le pacte. Alors, vous voyez donc, en réalité, c'est l'opposition d'Ashlaka qui a été soudoyée par un voisin et qui a tendu une embuscade à son roi. Alors, les 50 Rabirou, ils sont sous les ordres de monsieur Yal'a Koulim, qui est leur chef et qui est le chef spadassin en quelque sorte. L'affaire se continue et c'est là on est en pleine vous allez voir l'importance de l'hépatoscopie. Or, Ibaladou a fait prendre les présages au sujet de son voyage chez Monseigneur. On ne doit pas prendre dans cette société une initiative s'il n'y a pas l'autorisation des dieux. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire un seul acte sans que Dieu ait dit oui. Pour savoir si Dieu dit oui, vous tuez un mouton, un petit agneau, et vous devez toujours avoir une confirmation, donc vous en tuez un deuxième. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites quelque chose, il y a deux malheureux agneaux qui y passent. Or, Ibaladou a fait prendre des présages, et alors heureusement pour la divinité, ces présages se montrent très mauvais. Ils sont très mauvais. Ça veut donc dire que les dieux sont au courant. En réalité, vous allez voir, manifestement, le devin a entendu des choses qui l'ont aiguillé dans sa recherche de la vérité. Alors qu'il n'en était pas encore ainsi, un homme de Ramikatoum, c'est l'endroit où ils sont embusqués, était arrivé et l'on a dit devant Ibaladou. Il n'y a pas rupture dans le texte, c'est-à-dire celui qui est arrivé de Ramikatoum a mangé le morceau. Et on est allé raconter à Ibaladou, il y a une embuscade, du coup le devin dit, c'est très mauvais, n'est-ce pas? Et on a dit devant Ibaladou, ne pars pas, Ramikoum te guette à Ramikatoum. Et alors, comme toujours, il y a dans ce langage rapporté une saveur tout à fait particulière, il va faire de toi de la charpie. Hein? Le terme est très imagé. Voilà ce que j'ai appris. Alors, le gouverneur Mariotte, à ce moment-là, renvoie son rapport au roi de Marie en lui disant « On rôde autour de cet individu, c'est-à-dire Ibaladou, parce qu'il est l'homme lige de Monseigneur. » Lui aussi a épousé une fille. Hein. « Je me suis dit, il ne faudrait pas qu'il l'assassine, car le pays échapperait à Monseigneur, etc. » Alors, vous voyez, ce qui est très important dans ce texte, c'est que, quand je vous dis que la dimension politique de ces Rabirou, c'est qu'en réalité, ce que vous avez là, c'est l'opposition. Ils se conduisent en sicaires, mais en même temps, ils ne veulent pas de lui comme roi. Et ils sont des gens de sa propre ville. Quand vous regardez le nombre, 50, ce sont des villes qui sont peu peuplées. 5 ans, ça veut dire une partie très importante de la cité, c'est-à-dire qu'un des clans complets de la cité est parti. Il y a une famille complète, ils sont tous de la même famille certainement. Ce ne sont pas des gens isolés. Voilà un texte qui montre bien, si vous voulez, dans cette saveur de la langue de Marie, vous voyez quand je vous ai dit que c'était des anecdotes journalistiques, vous le voyez ici, le ton est extrêmement, vous avez une histoire extrêmement vivante, extrêmement concrète qui est derrière, mais en même temps extrêmement précise. L'opposition essaie de se débarrasser de son roi. Et l'opposition est subventionnée par l'étranger. Déjà. N'est-ce pas ? Et vous allez voir, au point de vue structure politique, c'est très important parce que l'étranger subventionne des prétendants au trône dans d'autres royaumes. C'est-à-dire que tout ça est extrêmement construit et extrêmement pensé dans une société qui est très prisonnière en même temps de ces tabous, de ces serments, du respect scrupuleux de ce qu'on en a juré, etc. Ça donne un aspect tout à fait curieux à cette société qu'on commence à bien connaître. Le deuxième sujet que je voudrais regarder avec vous, c'est un sujet beaucoup plus ample, parce qu'il prend plus d'ampleur dans le temps, et c'est l'affaire des rabirous du Zalmakoum, qui est tirée de ARM 2-131. Alors là aussi, on va prendre connaissance du document, et puis je vais essayer de le concrétiser par une carte après pour vous faire comprendre cela. Mais je vous rappelle de même que toutes ces analyses ne sont possibles qu'à partir de maintenant. Avant, on ne pouvait pas le faire. Hein. Alors, le lendemain, sont arrivées des nouvelles, le lendemain, sont arrivées des nouvelles sur l'ennemi, disant, sur cette rive. Alors, c'est-à-dire, cette rive, c'est la rive où nous sommes, notre rive, et c'est donc la rive gauche de l'Euphrate. Un monsieur Yaparadou a fortifié la ville de Zaloul, qui se trouve sur l'Euphrate même, et campe à l'intérieur de cette ville avec une troupe de 2000 émigrés du pays. C'est une masse énorme, 2000. Ça veut dire, ce serait une ville conséquente, c'est-à-dire une partie importante du royaume, qui se trouvent avec lui. Ils sont en armes, donc il n'y a que des hommes. Voilà le rapport qui m'est arrivé. En hâte, quittant Shubat Shamash, c'est-à-dire la citadelle militaire de Samsia, où est toute l'armée de Samsiadou, avec l'armée qui est sous mes ordres, et celle qui est sous les ceux de Sinteris, un des généraux principaux de l'époque, j'ai fortifié la ville de Rimouche, qui est en vue de la ville de Zaloul. Ce que vous avez, ce sont deux tels qui, manifestement, sont face à face sur la même rive, certainement. Mais de l'un, vous voyez l'autre, ils sont en vue. Ça ne veut pas dire que les têtes sont occupées, soient peuplées à l'époque. Simplement qu'ils sont en vue l'un de l'autre. C'est une situation que l'on connaît bien, d'un tel, vous en voyez un autre. C'est important parce qu'il ne faudrait pas dire qu'il est sur l'autre rive. À ce moment-là, on ne comprendrait plus rien à l'histoire. Entre les deux villes, il y a une distance de 30 lieues. Lorsque j'eus fortifié la ville de Rimouche à sa vue et qu'il eut aperçu le renfort venu du pays, il leva la torche et toutes les villes de la rive opposée au pays d'Urchoum ont reçu le message de lui. Alors, ce que vous avez là, c'est la technique des signaux, ce qu'on appelle les signaux de feu, c'est-à-dire que on fait un très grand brasier qui se voit de loin. Celui qui voit le brasier fait un brasier à son tour et qui le retransmet ensuite à quelqu'un d'autre. Et vous avez à ce moment-là la transmission extrêmement rapide de messages. Alors ils sont codés. Un message, ça signifie une chose. Deux messages, ça signifie l'ennemi arrive, par exemple. On le sait. Deux messages arrivent. Bon. On le sait par une lettre où il est arrivé une histoire épouvantable, parce que les deux feux ayant été allumés, celui qui les voyait d'enfilade, et n'en a vu qu'un. Ce qui a posé des problèmes à peu près analogues à Waterloo, si vous voulez, il est arrivé trop tard. Hein. Bon. Alors, voilà, donc, ces messages permettent d'appeler au secours tous les gens qui sont sur la rive droite. Il leva la torche et toutes les villes arrivées opposées au pays d'Urchum ont reçu le message de lui. La troupe ennemie qui s'est réunie en vue de fabriquer des briques est nombreuse et du fait que je ne pourrais briser une telle armée, je ne compte pas attaquer la ville. Je vais porter cette message, cette bête de moi chez Monseigneur, etc. Voyons ce qui s'est passé. À l'heure actuelle, nous connaissons, on verra le deuxième texte par la suite. On peut dater de façon précise le document. C'est le moment où tout le Nord est sous le commandement de Ekalatum. Le roi est à Ekalatum, c'est Samsiadou, et Marie est possédée par Ekalatum. Le royaume de Haute-Mésopotamie a poussé et est arrivé jusqu'à l'Euphrate. Il s'est emparé de l'Euphrate. C'est ça qui se... C'est aussi sa frontière. Et pour ce faire, il est venu à bout du royaume de Zalmakoum. Le Zalmakoum, c'est tout ça. Haran en est une de ses capitales. La grande ville de Haran, qui sera très importante aux époques néo-assyriennes, romaines, etc. Et lorsque le royaume a été conquis, une partie importante de la population est partie en exil. Il s'est réfugié sur la rive droite. Et le document que nous venons de voir, c'est un épisode dans lequel les gens repassent l'Euphrate, se mettent ici pour essayer de reconquérir les terres qu'ils ont perdues. L'armée de Pishoubat Enlil arrive à ce moment-là, s'installe à Rimouche, qui doit être juste là, et surveille les gens qui essayent de faire une tête de pont pour revenir. On se trouve donc dans une situation tout à fait claire. Ce sont des rabirous qui sont partis de chez eux devant l'attaque des ennemis. Ils n'acceptent pas ce nouveau pouvoir. Ils passent du côté occidental. Bon. Alors, la situation que nous venons de voir était celle-ci. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le deuxième texte que nous allons voir nous montre que Comme ils n'ont pas réussi à s'implanter et à revenir reconquérir leur pays, ils sont allés voir le roi d'Alep et le roi de Carchemish, et ils ont attendu patiemment de pouvoir intervenir lorsque le royaume de Haute-Mésopotamie aurait des problèmes. L'intérêt de Alep et de Carchemish d'aider les gens du Zalmakoum, c'est que s'ils les font rentrer chez eux, en échange, ils vont garder un petit peu des terres qui sont sur la rive gauche. Et Alep et Carchemish ont toujours tenté de posséder les deux rives. Lorsque Marie est détruite, on voit le royaume d'Alep qui arrive jusque-là. Il s'étend jusque-là. Il veut dominer toute cette grande plaine qui est relativement riche. Au moment... immédiatement postérieur après la tentative de débarquement ici, il s'est trouvé que les Ben Simanites qui étaient là ont attaqué du côté de Andarik et sont allés prendre Marie. Depuis une autre région, les Benjamites et Ben Simanites sont venus prendre Marie, et le royaume de Haute-Mésopotamie a été attaqué par le sud, a été attaqué par l'ouest. Qu'ont fait les gens qui étaient là, ces rabirous? Ils ont automatiquement, ils sont revenus du côté, avec des troupes d'Alep et de Carchemish, et ils sont rentrés de nouveau dans le Haran, dans le Zalmakoum. Et alors là, c'est le texte que nous allons voir, il leur est arrivé une chose épouvantable, c'est que pendant que le royaume de Haute-Mésopotamie se prenait une raclée au sud et une raclée à l'est, il a reflué, et les gens qui étaient dans le nord sont descendus, et les gens qui arrivaient du côté de l'ouest ont trouvé d'autres personnes en place. Et les gens qui sont en place les ont refoulés à nouveau. C'est-à-dire qu'ils ont perdu deux fois, leur pays. La première fois, lorsque les gens de Haute-Mésopotamie ont envahi, et la seconde fois, quand ils sont revenus trop tard, ils ont trouvé la place prise. Ce sont des gens qui partent en groupe. Et il faut comprendre que, à cette époque, l'individu n'existe pas. L'individu n'existe pas. L'individu, il fait partie d'une tribu. Tant que vous avez l'appui de votre tribu, vous restez quelque part. Si votre tribu perd son assise quelque part, vous la suivez. Et les 2000 Almakéens qui sont partis, qui sont passés sur l'autre rive, c'est une partie très importante. À mon avis, c'est une des tribus benjaminites complètes qui est passée de l'autre côté et qui n'a pas réussi à refaire souche. Cette histoire de la raclée que le roi d'Alep et le roi de Carchemish se prennent aux Almakoum a donné lieu à une lettre, naturellement, que le roi de Marie a envoyée à son beau-père en lui disant « Mais qu'est-ce que j'apprends ? Les glorieuses troupes d'Alep se sont fait battre par ces coquins du Almakoum. » Et nous avons encore la réponse du roi d'Alep qui répond à son gendre « Qui t'a raconté ces blagues ? » Il n'y a jamais eu de guerre. Tu es mal informé. Nous avons à l'heure actuelle plutôt tendance à croire les Bédouins qui, sur place, ont vu ce qui s'était passé et qui ont informé le roi de Marie. Le roi d'Alep a fait celui, le grand seigneur, qui, étant loin des événements guerriers, considérait ça comme une quotité négligeable, n'est-ce pas ? Effectivement, la puissante Alep n'était pas prête d'être attaquée par les Almakoum. Alors, comment est-ce qu'on peut se représenter l'organisation de ces rabirous lorsqu'ils ont quitté chez eux ? Eh bien, ce sont des gens qui ont surtout à leur actif leurs bras et leurs armes. Lorsque on a un texte à Aymar qui est extrêmement caractéristique, lorsque l'on chasse un homme et qu'il part nu, il perd tout ce qu'il a, on doit lui laisser son épée. Il part avec son épée. C'est-à-dire qu'il n'est pas surprenant que les quelques attestations que l'on ait des activités des rabirous soient quasiment toutes militaires. Ils essayent de s'embaucher chez des gens. Ou ils essayent de faire des coups de main à leur profit pour pouvoir survivre. C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec Jean-Marie Durand. Présentation Christine Goémé. Réalisation Jeanne Cherquefosse. Thank you. France Culture. Qu'est-ce que c'est ? Un disque. Combien coûte ce disque ? Chaque être humain est un émetteur-récepteur qui s'ignore. Mémoire vive. Plaisir. Les parfums renormes. Non, t'es pas. Mémoire vive. Vous écoutez France Culture. France Culture. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture, à l'occasion du centenaire de Jean-Paul Sartre, célébré sur France Culture tout ce mois de juin, les chemins de la connaissance à 11h30 s'intéressent au phénomène Sartre, qui fut pendant de longues années considéré comme un intellectuel total et même parfois collectif, et qui illustra la tradition française des philosophes écrivains. Quatrième volet avec Jean-François Cirinelli, professeur à l'université de Lille 3. 11h fiction, feuilleton, Manhattan Transfert de John Dos Passos, 19e épisode, New York 1920, le système économique et le chômage ont mis à la